وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإنهم قطعوا ولايتهم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء لكنهم إن استنصروكم في الدين أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم فعليكم النصر والقتال معهم أما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم وقوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق والله بصير بما تعملون والله بما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من الأحوال فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. Donc le cheikh explique, il dit que ça c'est le pacte d'allégeance et d'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a établi entre les muhajirin, ceux qui ont quitté Mecca pour aller à Médine, parmi ceux qui ont cru et qui ont fait la hijra fi sabilillah et qui ont abandonné leur terre pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était le pacte qu'Allah a établi entre eux, entre les muhajirin, et les ansar, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont donné un refuge à lui et à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum, et qui les ont aidés dans leur demeure, avec leurs biens et avec leurs personnes. Donc ceux-là, ils sont alliés les uns des autres à cause de la perfection de leur foi et de leur connexion complète les uns avec les autres. Ensuite, il mentionne le verset, la suite du verset, et ceux qui ont cru et qui n'ont pas fait la hijra, vous n'avez pas d'alliance avec eux en quoi que ce soit jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra. Ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas fait la hijra, vous ne serez pas liés avec eux jusqu'à ce qu'ils émigrent parce qu'ils ont coupé leur allégeance en se séparant de vous dans un moment où vous aviez un grand besoin d'hommes, un grand besoin de plus grand nombre d'hommes et eux ils se sont séparés de vous à ce moment-là. Donc étant donné qu'ils n'ont pas fait la hijra, eh bien ils n'ont pas d'allégeance. Ils n'ont aucune allégeance avec les croyants. Toutefois, s'ils vous appellent au secours et vous demandent de venir à leur aide dans le but de combattre ceux qui les ont combattus à cause de la religion, alors c'est à vous de leur venir en aide et de venir les secourir. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, alors à vous de leur porter secours. Fa alaykum an-nasr. C'est-à-dire d'aller combattre avec eux. Toutefois, ceux d'entre eux qui combattent pour autre que la religion, c'est-à-dire qui combattent pour d'autres intentions ou d'autres objectifs, par exemple des objectifs de la dunya ou des choses de la dunya, alors vous n'avez pas à venir leur porter secours et à combattre avec eux dans ces cas-là. Parce que la condition dans le verset, c'est « in istansarukum fiddin ». Ils vous ont appelé à venir à leur secours pour la religion, au nom de la religion. Si c'est au nom d'autres choses, le cheikh il dit dans ce cas-là, vous n'avez pas à aller à leur secours. Et il dit ensuite, wa qawluhu ta'ala illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. Il dit, sauf un peuple s'ils vous appellent à leur venir en aide et à venir à leur secours contre un peuple avec lequel vous avez une entente. Donc, si ils vous appellent à venir les secourir dans la religion ou au nom de la religion contre un peuple d'entre les koufars avec lesquels vous avez une entente de paix, alors dans ce cas-là, étant donné que vous avez une entente de ne pas combattre ces gens-là avec eux, le cheikh dit فإنهم أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم. Il dit, si les croyants qui se sont distingués parmi ceux qui n'ont pas fait la hijra, qui se sont distingués des kuffars, yani, et qui veulent combattre les kuffars, ne les aidez pas contre eux. Ne les aidez pas contre eux à cause de l'entente de paix, hein, qui existe entre vous et eux. Hein? Donc c'est comme par exemple, si il y a des musulmans par exemple qui appellent supposons des musulmans qui sont en difficulté ou qui ont des problèmes avec des mouchriquines et des koufars, et ils appellent les musulmans d'un autre pays à venir en aide aux musulmans, mais que les musulmans de ce pays-là, ils ont une entente de paix avec ces koufars-là. Alors dans ce cas-là, ils doivent respecter l'entente de paix qu'ils ont avec ces koufars. Hein? Ça c'est un exemple de ce qui est mentionné dans ce verset. Illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien, et Allah subhanahu wa ta'ala observe bien ce que vous faites. Et il sait dans quel état vous êtes et ce qui vous convient, et il légifère ce qui vous convient pour vous. Il légifère ce qui vous convient comme règle pour vous. Et le verset 73 par la suite qui dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. C'est-à-dire, et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres, si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les koufars, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Donc, ce verset-là, le cheikh Sa'di, il dit, ça signifie « Ey, mu'alatul mu'minin, mu'adatul kafirin, bi'an » وَالَيْتُمُوهُمْ أَوْ عَادَيْتُمُوهُمْ كُلَّهُمْ أَوْ وَالَيْتُمُ الْكَافِرِينَ وَعَادَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Donc, إِلَّا تَفْعَلُوهُ أي مُوَالَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَمُعَادَةَ الْكَافِرِينَ بِأَنْ وَالَيْتُمُوهُمْ أَوْ عَادَيْتُمُوهُمْ كُلَّهُمْ أَوْ وَالَيْتُمُ الْكَافِرِينَ وَعَادَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من الاختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. Donc le cheikh il explique, mais si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne prenez pas les croyants pour alliés et que vous prenez pas les koufars comme ennemis, hein, et que vous preniez les koufars pour alliés et que vous détestiez les mu'minin. Donc si vous faites ça, il y aura beaucoup de désordre sur la terre, beaucoup de fitna, hein, et un grand désordre. Beaucoup de fitna et un grand désordre. Pourquoi? Le cheikh il dit parce que il va y avoir beaucoup de mal qui va être répandu partout. Hein, et c'est un mal qui sera sans limite. Parce que la vérité et le faux sera confus et mélangé. Et le croyant sera mélangé avec le kafir. On ne pourra plus distinguer qui est le croyant, qui est le mécréant. Qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le faux. Et beaucoup d'entre les grandes formes d'adoration vont devenir absentes, c'est-à-dire on les retrouvera plus, comme par exemple le jihad fi sabilillah et la hijra, de faire la hijra, et ainsi que d'autres parmi les objectifs de la sharia. Et donc c'est ça, beaucoup des objectifs de la sharia et de la religion vont nous manquer et vont être délaissés si on ne prend pas les mu'minines pour alliés uniquement, et que les croyants ne se prennent pas alliés les uns des autres. Donc ça, c'est un point très important ici que le cheikh Abdurrahman al-Sa'di a mentionné en expliquant ce verset-là. Et juste par rapport à ça justement, par rapport à la hijra, hier j'ai assisté à une khutbah de Jumu'ah dans une mosquée, et puis à chaque année c'est la même chose. Lorsque c'est la fin du mois de Dhul-Hijjah, les imams ils ont l'habitude de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la hijra. Et qu'est-ce qui est triste, c'est qu'ils mentionnent seulement l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba lorsqu'ils ont fait la hijra, mais ils ne mentionnent pas le verdict de la hijra par rapport aux musulmans aujourd'hui dans les pays de Kufr. Et c'est ça qui est un petit peu étrange et étonnant par contre, parfois de la part de ces imams aujourd'hui qu'on retrouve ici à Montréal et un peu partout aussi dans les pays non musulmans. C'est qu'ils parlent de la hijra comme si c'était quelque chose qui fait partie du passé seulement. Puis que ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Que ça n'a pas un lien avec la on ne doit plus l'appliquer aujourd'hui. C'est comme si c'était une adoration qui existait dans le passé, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que là, aujourd'hui, c'est fini, ça n'existe plus. Et même que beaucoup de musulmans, malheureusement, ils ont inversé la signification de la hijra. Et que pour eux, ça veut dire quitter les pays des musulmans pour aller vivre dans les pays des koufars. Hein? C'est ça, pour eux, la hijra. Donc, ça rentre ça aussi dans Al-Wala ou Al-Bara. Ça rentre dans Al-Wala ou Al-Bara. Et ça, c'est sans parler de certains de ces musulmans-là qui, justement, ont une aqidah qui est complètement corrompue, qui est semblable à la aqidah des Khawarij, et donc ils font le takfir des musulmans et des pays musulmans et des dirigeants musulmans et des savants de l'islam, et ils préfèrent aller s'installer chez les ennemis de l'islam, chez les koufars, pour vivre parmi eux parce qu'ils aiment le confort matériel et l'aisance de la vie. Donc ça, c'est des exemples. Donc celui qui est chez les koufars aujourd'hui, qui vit parmi eux, eh bien, il faut qu'il ait dans son cœur au moins, hein, le minimum, c'est qu'il ait au moins l'intention de faire la hijra pour aller vivre dans les pays musulmans. Ça, c'est le minimum. Hein? Sinon, celui qui a la capacité et qui est capable de s'en aller dans un pays musulman, eh bien, selon les cas, comme les ulama ont expliqué, que dans certains cas c'est une obligation et dans certains cas c'est recommandé. Le cas où c'est obligatoire, c'est lorsqu'il ne peut pas appliquer sa religion ouvertement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire que la religion des mouchriquines c'est kufr et que ce sont des kuffars et des mouchriquines, il ne peut pas appeler à l'islam ouvertement, il ne peut pas pratiquer ouvertement l'islam est appelé ouvertement au tawhid. Donc ça, c'est un endroit où la personne ne peut pas pratiquer sa religion. Cette personne-là, c'est obligatoire pour elle si elle a la capacité de s'en aller. Si elle a la capacité de le faire, alors dans ce cas-là, elle doit... dans ce cas-là, elle a la capacité, elle a les moyens. Dans ce cas-là, c'est obligatoire pour elle de s'en aller si elle ne peut pas pratiquer sa religion. Si elle peut pratiquer sa religion, dans ce cas-là, c'est recommandé. C'est-à-dire... C'est pas obligatoire, mais ce sera recommandé pour elle. C'est-à-dire, ce sera recommandé pour elle, c'est-à-dire que c'est mieux pour elle de s'en aller. Et il n'y a pas de doute que c'est mieux, hein, puisque lorsque la personne réfléchit, beaucoup d'entre les musulmans qui pensent que c'est correct de vivre chez les koufars et les mouchriquins, si tu leur parles de l'éducation de leurs enfants et de tout ce qui vient avec, eh bien, tu vois tout de suite que beaucoup d'entre eux sont tous d'accord pour dire que il y a des problèmes par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à l'islam. Et beaucoup des jeunes, ils perdent leur foi, ils perdent leur religion. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans des cas comme ça? Hein? Eh bien, ils doivent admettre la réalité qu'on ne peut pas laisser les enfants dans cette situation-là. Et même pas seulement pour les enfants, même pour les adultes. C'est la même chose. Beaucoup d'entre nous, on est des personnes faibles. Hein? Donc, on ne peut pas se mettre soi-même dans la fitna alors qu'on sait qu'on n'est pas capable. Hein? Et il y a des cas où c'est obligatoire ou nécessaire même pour des musulmans de rester parmi les koufars, c'est dans les cas où quelqu'un fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des cas comme ça, oui, c'est permis de rester, mais beaucoup de gens s'imaginent qu'ils sont là pour faire la da'wa alors que la réalité c'est que ils font pas du tout de da'wa et c'est juste un prétexte. Allah musta'an. Donc c'est juste pour dire que ça, tout ça, ça a un rapport avec la hijra, que c'est une grande adoration. C'est pas quelque chose qu'on en parle juste une fois par année, et puis que c'est quelque chose qui a rapport juste avec un fait historique qui est relié au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au sahaba, et puis que par la suite, c'est quelque chose qui n'existe plus. Non, le verdict de la hijra, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un hadith sahih, « La tanqati'u al-hijra » حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le verdict de la hijra, il ne va pas cesser tant qu'il y aura la possibilité de faire la repentance, de faire la tauba. Et il a dit ensuite que la tauba va continuer à être possible, c'est-à-dire la repentance va continuer à être possible jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, de son levant. Le soleil se lève de son couchant. C'est ça. Donc, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus de repentance. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus de hijra obligatoire. Mais jusqu'à ce moment-là, il y aura toujours la hijra. C'est ça que ça veut dire. Donc la hijra, c'est une obligation. Hein? Et quand certains mentionnent le hadith « La hijra ba'd al-fath illa jihad waniyya », ça c'est un hadith authentique aussi, qu'il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque, mais il y a le jihad et l'intention. Ça c'est un hadith qui se rapporte spécifiquement aux sahaba qui ont fait la hijra à Al-Medina. Et c'était pour dire qu'à partir de la conquête de la Mecque, il n'y a plus de hijra obligatoire de Mecca jusqu'à Médine. Parce que maintenant, Mecca est devenue une terre musulmane. Donc, c'est plus obligatoire de faire la hijra vers Al-Madina. Sauf que, d'autres hadiths viennent expliquer et clarifier que si on est dans une autre terre et que c'est une terre de kufr et de shirk, eh bien, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour les musulmans de quitter cette terre et d'aller vivre chez les musulmans. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'arrête, excepté vers la fin des temps. Ensuite, le cheikh, il mentionne le neuvième verset qui est mentionné comme preuve. C'est le verset 9. Non, pardon. Le neuvième verset, mais c'est le verset 23 dans Surah Tawbah que le cheikh a mentionné. Qui dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان Donc après ça dit ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est parmi les injustes. Alors ceux-là sont les injustes. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il explique ce verset-là en disant « قال العلامة السعدي في تيسير الكريم الرحمن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء وأصل الولاية المحبة والنصرة وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ô vous qui avez cru, ya ayyuhallazina amanu, c'est-à-dire ô vous qui avez cru, agissez selon ce qu'implique la foi, c'est-à-dire que vous preniez pour alliés ceux en qui on retrouve la foi et que vous preniez pour ennemis ceux en qui il n'y a pas de foi. Et ne prenez pas vos pères et vos frères, ceux qui sont les gens les plus proches de vous. Donc le cheikh dit ne prenez pas vos pères et vos frères, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de vous dans les liens de parenté. Et le cheikh il dit donc si on ne doit pas prendre ceux-là comme alliés, alors qu'ils sont les gens les plus proches de nous, alors ceux qui sont plus éloignés ne doivent encore moins être pris pour alliés dans ce cas-là. Donc ne les prenez pas pour alliés s'ils ont préféré, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la mécréance avec satisfaction et amour. C'est-à-dire qu'ils aiment la mécréance et ils sont satisfaits de la mécréance. Donc ils ont préféré la mécréance à la foi, donc ne les prenez pas pour alliés. Et quiconque les prend pour alliés parmi vous, ceux-là sont les injustes. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont eu l'affront de s'avancer dans la désobéissance d'Allah et de prendre pour alliés les ennemis d'Allah. Et à la base, al-walaya, c'est l'amour et l'aide et le support. Donc, cela signifie que de prendre les koufars pour alliés, c'est quelque chose qui risque de faire en sorte que vous preniez l'obéissance de ces koufars au-dessus de l'obéissance d'Allah. Vous donniez précédence à l'obéissance des koufars sur l'obéissance d'Allah. Et que vous donniez précédence à leur amour sur l'amour d'Allah et de son messager. Donc ça c'est la fin de l'explication du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Parce que si vous aimez les ennemis d'Allah, les koufars, eh bien vous savez que ces koufars, eux, ils aiment ce que Allah déteste et qu'ils détestent ce que Allah aime. Donc si vous aimez ces koufars et que vous les prenez pour alliés, eh bien ils vont vous amener à aimer ce que Allah déteste ou à détester ce que Allah aime, ou les deux. Et ça c'est quelque chose bien entendu qui vient affecter votre foi, et qui peut même parfois vous amener au kufr. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et le verset, le dixième verset mentionné, c'est le verset 14 dans Sourate Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Donc c'est dans sourate Al-Mujadala, le verset 14. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est mis en colère, hein, contre qui Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Et c'est qui les gens contre qui Allah est en colère, hein? Ce sont les juifs, hein? Ce sont les juifs. Donc, n'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés les gens contre qui Allah est en colère, hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat al-Fatiha, غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم, ce sont les juifs. Donc ici il dit قوما غضب الله عليهم, ce sont les اليهود. Donc n'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est mis en colère? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Donc ils ne sont ni des vôtres, mahum minkum wala minhum. C'est-à-dire, ils ne sont pas des musulmans, et ils ne sont pas des mushrikins non plus. Et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Donc, le cheikh, il explique ce verset. يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا لأنهم باطنهم مع الكفار ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا لأن ظاهرهم مع المؤمنين وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب فيحلفون أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ السعدي إلزي rahimahullah, que Allah nous mentionne la laideur de l'état et de la situation des hypocrites, les munafiqin, qui prennent pour alliés les mécréants parmi les juifs et les chrétiens et les autres, parmi ceux que Allah est en colère contre eux, hein, et qui ont été atteints par la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la plus grande portion de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet qu'ils ne sont pas ni parmi les mu'minines ni parmi les kafirines. Ils sont entre les deux. Ils sont pas avec les mu'minines, ils sont pas avec les kafirines. Muzabzabina bayna dhalika. La ilaha ula ou la ilaha ula. Donc il cite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont comme s'ils sont entre les deux. Hein, ils sont indécis entre les deux. Ils ne sont ni avec les uns ni avec les autres. Donc ils ne sont pas avec les mu'minines intérieurement et extérieurement, parce que leur intérieur est avec les kuffars, les hypocrites. Intérieurement, ils sont avec les kuffars. Et ils ne sont pas non plus avec les kuffars intérieurement et extérieurement, parce que leur apparence est avec les... Extérieurement, ils sont avec les mu'minines. Hein? Et donc ça, c'est la description par laquelle Allah les a décrits dans ce verset-là. La hum minkum wa la minhum. Donc ils ne sont pas avec les mu'minines, ils ne sont pas parmi vous, wa la minhum. Ils ne sont pas avec les kafirines non plus. Hein? Donc ça, c'est l'état des hypocrites. Wal hal annahum yahlifuna ala diddihi. La réalité, c'est qu'ils jurent du contraire, et c'est-à-dire le mensonge. Par exemple, ils jurent qu'ils sont des croyants, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas des croyants. Donc ça, c'est la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et ça, c'est pour dire encore une fois que parmi ceux qui prennent les kuffars pour alliés, ce sont des munafiqoun, des hypocrites. Hein? Ça, c'est la caractéristique des hypocrites, qu'ils prennent pour alliés les kuffars, hein? Et qu'ils parlent aux kuffars contre les mu'minin. Il y a plein d'exemples de ça. Le cheikh ensuite, il mentionne le onzième verset qui est tiré de Surat al-Mumtahana, le verset 1, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Donc ça c'est le verset 1 dans sourate Al-Mumtahana. On l'a déjà cité ce verset là dans les cours précédents et on a expliqué même l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a qui est une explication par rapport à ce verset, le contexte de sa révélation. Bien entendu, ça ne se limite pas à ce contexte-là, puisque le sens du verset est général. Donc, il faut bien comprendre ce verset. La signification, si on donne la traduction du verset, c'est « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans son chemin et pour rechercher mon agrément, donc si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc ça c'est le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana. Le Cheikh explique, Cheikh Sa'di il dit وقال العلامة السعدي وذكر قصة حاطب يعني وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقى من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أي اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعادات من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين لا تتخذوا عدوي عدو الله وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والمولاة فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. Donc on va traduire ça en premier. Le Cheikh il explique, il dit, après avoir mentionné l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents, il dit que ces versets sont l'interdiction sévère de prendre pour alliés les kuffars et les mushrikines et les autres parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les kuffars en général, et de leur donner ou de leur offrir l'amitié ou l'affection ou l'amour, et que cela est en opposition avec la foi et cela est en contradiction avec la voie de et la religion d'Abraham al-Khalil alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose qui vient en contradiction et en opposition avec la raison également, la raison qui nous impose de prendre nos précautions vis-à-vis de notre ennemi. Hein, parce que logiquement, n'importe quel être humain, qu'il soit qu'il soit musulman ou non, par instinct, il va toujours se méfier de celui qui est son ennemi. Hein, donc ça, c'est juste par la raison seulement. Donc, celui qui ne prend pas de précautions par rapport à son ennemi, hein, parmi les croyants, qui ne prend pas de précautions parmi ses ennemis, parmi les koufars, eh bien, c'est quelqu'un, non seulement il a un problème avec sa foi, mais il a également un problème avec sa raison aussi, hein, puisqu'il aime ses ennemis. Et c'est ça le problème avec certains d'entre eux, ceux que tu vois parmi les musulmans qui prennent pour alliés les koufars maintenant et qui se rapprochent d'eux, même dans ce qui est haram et dans ce qui est, même dans, parfois dans ce qui est kufr. Tu te dis, mais comment, hein, ils prennent pour alliés des gens qui les détestent et qui leur veulent du mal et des choses de ce genre. Donc c'est un signe de problème au niveau de la foi et au problème au niveau de la raison également. Et donc, le cheikh, il dit que la raison, elle nous oblige à prendre nos précautions vis-à-vis de notre ennemi. Celui qui ne laisse rien comme effort par rapport à l'animosité et la haine contre les croyants, et qui cherche par tous les moyens et dans toutes les occasions qui sont possibles pour lui pour faire parvenir du tort, hein, aux musulmans. Donc le cheikh, il dit, ô vous qui avez cru, c'est-à-dire agissez selon ce qui est impliqué par votre foi, hein, c'est-à-dire de prendre pour alliés ceux qui détiennent la foi, qui possèdent la foi, et de prendre pour ennemi celui qui, hein, qui s'oppose à la foi et qui déteste la foi parmi les ennemis d'Allah et les ennemis des croyants. Et il dit, ne prenez pas mon ennemi, c'est-à-dire l'ennemi d'Allah, et votre ennemi, c'est-à-dire Allah, il nous rappelle ici que ce sont nos ennemis aussi, hein, pas seulement l'ennemi d'Allah, mais c'est, les ennemis d'Allah sont nos ennemis automatiquement, awliya, de les prendre pour alliés et de se précipiter à leur offrir yani l'amitié et l'amour. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Donc il dit, c'est-à-dire vous vous précipitez à leur offrir l'amitié et à les aimer et à prendre les, à faire les causes qui amènent vers l'amour de ces ennemis-là. Et lorsque cet amour-là est installé, eh bien, elle est suivie par le reste. C'est-à-dire, elle est suivie par la défense et par le secours et par le support et par l'alliance. Et donc, ça amène le croyant à sortir de la foi, s'il agit de cette façon-là. Et il devient parmi les gens qui font partie des gens de la mécréance par la suite. Et il se sépare des gens de la foi en agissant ainsi. Et ça, c'est la personne aussi qui prend, le cheikh dit également, la personne qui prend le kafir comme allié, eh bien, c'est la preuve que cette personne-là n'a aucun savoir-vivre, aucune manière, aucun respect. Puisque comment peut-il prendre pour allié les ennemis de son ennemi? Non. Comment peut-il prendre pour allié son pire ennemi, celui qui ne lui veut que du mal et qui oppose son seigneur, hein, et son allié qui ne lui veut que du bien, hein, et qui lui ordonne de faire le bien et qui l'incite à faire le bien? Donc comment peut-il prendre pour allié celui qui s'oppose à son bien et qui est son pire ennemi? Le cheikh dit, وَمِمَّا يَدْعُوا الْمُؤْمِنْ أَيْضًا إِلَى مُعَادَةِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحَقِّ ولا أعظم من مخالفة والمشاقة ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة والمشاقة فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رد رده و نعم بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. Donc on va traduire jusqu'ici. Ensuite, le cheikh il dit, et parmi les choses qui incitent et invitent les croyants, le croyant aussi, à détester les koufars et à prendre les koufars pour ennemis, c'est le fait qu'ils ont renié et rejeté ce qui est parvenu aux croyants de la vérité. Et il n'y a pas d'opposition. Et il n'y a pas d'opposition plus grande que cette opposition-là, du fait que les koufars rejettent la vérité qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les croyants ont reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. Donc ça c'est un des plus gros points qu'on doit prendre en considération par rapport à l'animosité qu'on doit avoir aux koufars. Parce qu'ils ont rejeté la base de votre religion. Le cheikh dit parce qu'ils ont renié la base de votre religion et ils ont cru que vous êtes des égarés et que vous n'avez pas de guidance. Donc c'est ça la réalité. Et la réalité c'est quoi? C'est qu'ils ont renié la vérité. Et ça, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et celui qui rejette la vérité, c'est impossible qu'il ait de son côté aucune preuve, aucune évidence pour supporter ce qu'il dit et pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Ensuite il dit bal mujarrad al-'ilm bil-haqq, donc le simple fait de connaître la vérité est une preuve qui indique la fausseté de la parole de celui qui la rejette. Celui qui rejette la vérité et la corruption de sa parole. Donc celui qui rejette la vérité, le simple fait de connaître la vérité, c'est une preuve que sa parole est fausse et qu'il est dans l'égarement et que ce qu'il dit est corrompu. Donc peu importe qu'est-ce que le kafir peut amener comme argument ou quelque chose qu'il peut rapporter comme preuve pour supporter son égarement, tout ce qui est en contradiction avec la charia est faux. Tout ce qui est en contradiction avec ce que Allah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est faux. Et ça c'est un point très important. Parce que des fois tu vois que les koufars ils vont essayer de supporter leurs opinions ou leurs points de vue ou leurs passions par des éléments ou des paroles qu'ils présentent et qu'ils essaient de montrer comme étant des preuves scientifiques ou des rapports scientifiques et des analyses et des recherches. Et la réalité c'est que dans toutes ces analyses, toutes ces recherches, il y a toujours de la passion qui s'infiltre d'une façon ou d'une autre. Même s'ils essaient d'être le plus objectif possible et le plus neutre possible comme ils prétendent, la réalité c'est qu'ils sont toujours susceptibles d'avoir des passions, d'être pris par leur désir, de suivre leur passion dans ce qu'ils font, et de rejeter la vérité lorsqu'elle est contraire à ces passions-là, et également susceptible de faire toutes sortes d'erreurs, de faire toutes sortes d'erreurs à plusieurs niveaux, et dans leur façon de ramener des éléments et des preuves, et parfois ils se basent sur des choses qui n'ont aucun support réel sur le plan scientifique, et puis ils ramènent ça comme étant des arguments. Donc beaucoup de musulmans qui ont une faiblesse de personnalité, une faiblesse dans la connaissance de la religion, eh bien, il se base sur ces éléments que les koufars ramènent pour analyser ou juger ou critiquer certains principes de la religion de l'islam ou certains principes par rapport à la voie des salaf al-salih. Et ils se mettent à critiquer l'islam en se basant sur ces choses-là. Et donc, il faut savoir que, peu importe qu'est-ce qu'ils ramènent, ces gens-là, ceux qui se basent sur les principes de ces koufars, peu importe qu'est-ce qu'ils ramènent, qui est en contradiction avec qu'est-ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, il faut juste savoir que c'est faux. Peu importe combien de preuves ou de paroles ou d'éléments ou d'arguments qu'ils ramènent pour le défendre ou le supporter. Et lorsque le croyant, il reste ferme sur cette conviction-là et sur ce point-là, et qu'il a bien compris cet élément-là, hein, eh bien, il ne peut pas, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, il ne peut pas s'égarer. Il va rester droit, il va rester ferme. Même s'il va se faire accuser ou traiter de nom, hein, du fait qu'on va dire de lui que c'est un fanatique, ou c'est un intégriste, ou c'est un fondamentaliste, ou c'est un... peu importe le terme. L'important, c'est que la personne, elle retourne aux ulama de l'islam qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Elle se base sur les preuves qui sont claires et explicites dans le Coran et dans la Sunna, et elle s'accroche à ce sur quoi s'accrochaient les salafs al-salih. Dans ce cas-là, tout ce qu'elle suit, c'est dans le Coran et dans les hadiths authentiques et dans les paroles authentiques de nos salafs. Dans ce cas-là, elle ne peut pas être sur le faux. Hein? Et Alhamdulillah, c'est ça la garantie que la personne est sur le haq. Donc le cheikh, il dit, les kuffars, parmi les exemples même de leur opposition et de leur haine des croyants, il y a l'exemple qu'à l'époque, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils expulsaient le messager ainsi que vous-même, c'est-à-dire ainsi que les croyants, ils les expulsaient de leur demeure et ils les chassaient de leur terre. Et le seul crime qu'on leur pour lequel on les traitait de cette façon-là, le seul péché qu'ils avaient commis pour eux, c'était quoi? C'était qu'ils avaient cru en Allah, leur Seigneur. Donc parce qu'ils ont cru en Allah, ils étaient plus on leur permettait plus de rester chez eux. On les forçait à quitter et à s'en aller. Hein? Ils étaient obligés de se séparer de leur terre et de leur famille et de leurs biens à cause de ça. Donc, le cheikh, il dit, donc ils vous ont chassé uniquement pour ça, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, celui qui vous a, الذي يتعين على الخلق القيام بعبوديته. Donc, ils vous ont chassé parce que vous avez adoré celui qui est obligatoire à toute la création de l'adorer. Hein? Et que c'est lui qui vous a élevé et qui vous a créé et qui vous a rempli de toutes ces grâces apparentes et cachées. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به وعادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان لا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر ومن يفعله منكم أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها فقد ضل سواء السبيل لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, lorsqu'ils se sont détournés de cet ordre, qui est la plus grande ordre, l'ordre le plus important et la plus obligatoire des ordres qu'Allah a ordonné, c'est-à-dire l'obéissance et l'adoration d'Allah seul, et que vous l'aviez appliqué, à cause de cela, ils vous ont détesté. Et ils vous ont expulsé, pour cela, de vos demeures. Alors, quelle religion et quel savoir-vivre et quelle raison peut-il rester avec le serviteur si il prend pour allié les kuffars qui sont tels que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits à toute époque et en tout lieu. Parce qu'il y en a des gens qui pensent que les versets qui parlent de Al-Wala ou Al-Bara dans le Coran, c'est quelque chose qui se référait uniquement à des événements qui sont arrivés à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les kuffars de son époque seulement. Et que aujourd'hui ces versets-là ne s'appliquent plus. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la révélation divine. Puisque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comparable à la parole des créatures. Et que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'applique pour toute époque et pour tout lieu, selon les règles et les principes de la charia. Et les ulama, ce sont ceux qui savent justement comment il s'applique et de quelle façon il s'applique, dans quel contexte, selon les principes et les règles. Donc, c'est pas à dire que ça s'est arrivé à telle époque et que ça s'appliquait à tel peuple ou à telle personne. Donc, c'est seulement dans ce contexte-là que ça s'appliquait et qu'aujourd'hui, ça s'applique plus puisque pour eux, c'est fini. Non. C'est pas comme ça qu'on doit comprendre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des kuffars, il ne nous parle pas d'une personne nécessairement en particulier, mais il parle des kuffars de façon générale, puisque c'est le cœur des kuffars qui est le même, peu importe à quelle époque. Un kafir, c'est un kafir, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit aujourd'hui. Et les mêmes effets, les mêmes conséquences, les mêmes motivations, les mêmes motifs, les mêmes les intentions, les mêmes impulsions, les mêmes choses sont présentes en tous les kuffars, à toutes les époques. La même chose pour les mu'minines. Qu'est-ce qui motivait les mu'minines? Qu'est-ce qui les poussait à agir? Qu'est-ce qui les poussait à croire? C'est quelque chose qui a un lien avec tous les hommes du moment qu'ils croient en ce qu'Allah a ordonné de croire. Et qu'il suit l'exemple des messagers, c'est quelque chose qui reste tout le temps. C'est pas quelque chose qui va changer, puisque ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de la fitra. Et la fitra, c'est quelque chose qui change pas avec les époques, c'est quelque chose qui est tel quel. On est tous nés avec. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces gens-là, peu importe à quelle époque ils sont. Les juifs, que ce soit les juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les juifs d'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a décrits tels qu'ils sont par rapport à leurs pensées, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur façon d'agir, et ça s'applique à tous ceux-là, même aujourd'hui. Du moment qu'ils rentrent dans les mêmes caractéristiques que ceux qui sont décrits dans le Coran à l'époque, ils ont la même aqida qu'eux, la même façon d'agir qu'eux, les mêmes comportements qu'eux, qu'est-ce qui motivait leur âme, c'est la même chose qu'à l'époque, par rapport à tout ce qu'ils avaient comme pensée ou comme croyance ou autre. Et ça, c'est des choses qui ne changent pas. À moins que ce soit des gens qui cherchent la vérité et que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur à la foi et qu'ils acceptent de suivent le messager, et dans ce cas-là, ils deviennent des mu'minines, alors là, ils changent de situation. Et ça, c'est possible. Comme un chrétien peut devenir musulman, Un juif peut devenir musulman, un mouchrik peut devenir musulman, un athée peut devenir musulman. Donc on voit toutes ces choses-là. De même qu'il y a des munafiqines à l'époque du prophète, il y a des munafiqines aujourd'hui. Les versets qui parlent des munafiqines, ça s'applique pas seulement aux munafiqines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc quelqu'un peut être mu'min et devient munafiq. Et vice-versa. Et également, la même chose pour le contraire, quelqu'un peut être musulman et devenir murtad et quitter la foi. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont dans la nature de l'homme. C'est pas juste des choses qui sont limitées à une époque ou à une personne en particulier. Ensuite, le cheikh il dit... ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي. Donc le cheikh il dit, donc lorsqu'ils ils vous ont détesté, donc si le croyant il prend pour allié des koufars, hein, qui sont décrits tels qu'ils ont été décrits dans ces versets là, hein, comment ils vont avoir une religion, c'est, comment ils peuvent avoir une religion, une raison, ou avoir un savoir, un respect, ces gens-là. Et il n'y a rien qui les empêche, le cheikh dit, il n'y a rien qui les empêche d'agir ainsi, excepté la crainte, ou quelque chose qui est un empêchement très fort. Et il dit, et si vous êtes sorti, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et si vous êtes sorti en luttant dans mon sentier, en cherchant mon agrément, c'est-à-dire que vous sortez et que l'intention et l'objectif de votre sortie, c'est de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour chercher son agrément. Alors, lorsque vous sortez avec cette intention-là, agissez selon ce qui est impliqué par cela, c'est-à-dire de prendre pour alliés les alliés d'Allah, hein, et de prendre pour ennemis les ennemis d'Allah. Et yani, parce que ça, c'est ça le djihad fi sabilillah, hein, et c'est un des moyens les plus grands par lequel on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des moyens les plus grands parmi les moyens par lesquels ceux qui veulent se rapprocher de leur Seigneur se rapprochent de leur Seigneur et recherchent son agrément. Il dit, tusirruna ilayhim bil mawadda, vous leur offrez secrètement l'amour et l'amitié, et je sais ce que vous cachez et ce que vous divulguez. C'est-à-dire, comment pouvez-vous leur offrir secrètement l'amour et l'amitié, hein, aux kuffar, et vous cachez cela, hein, vous cachez cela aux croyants, alors que vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Même si vous le cachiez des croyants, c'est pas quelque chose qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser ou rétribuer les serviteurs selon ce qu'il a su d'eux, de bien ou de mal. Et celui d'entre vous qui le fait, hein, c'est-à-dire qui prend les koufars pour alliés, après que Allah l'ait averti, l'aurait averti à ce sujet-là, alors il s'est égaré de la droiture du sentier. Parce qu'il a suivi une voie qui est en opposition avec la sharia et en opposition avec la raison, et en opposition également avec les bonnes manières humaines. Hein, puisque une personne ne prend pas pour allié ses ennemis. Ensuite, le cheikh il mentionne le 12e verset, c'est l'avant-dernier, qui est une autre preuve par rapport à Al-Wala wal-Bara, c'est le verset 9 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Donc ça aussi c'est un autre verset dans sourate Al-Mumtahana, aussi le verset 9, qui vient clarifier encore un peu plus la question de Al-Wala wal-Bara et qui rajoute justement un élément qui est très important et que certains justement ont mal compris parfois ou que certains ont ignoré ou négligé. C'est que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne certaines restrictions par rapport à la façon dont on doit agir. C'est par rapport au verset. Ça, c'est le verset 9. Mais le verset 8 qui vient juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là. Non, ça c'est. Oui, ça c'est dans l'autre verset. Donc le verset 8, le cheikh il a mentionné, on a lu ce verset-là déjà, mais ici c'est le verset 9 qui est mentionné. Mais juste pour comprendre le contexte du verset, on va lire le verset 8 avant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: « La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. » C'est-à-dire, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant, d'être bien et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Donc d'être bon et d'être juste envers eux. Car Allah aime les gens justes. Donc ça, c'est un verset qui nous explique que on a le droit d'être bon et d'être juste avec eux, tant qu'ils ne nous ont pas fait d'injustice ou de tort par rapport à notre religion. Mais il y en a qui prennent ce verset-là et qui essaient de dire que ça, c'est permis de les aimer, les koufars, comme Al-Qardawi par exemple. Ils mentionnent ce verset-là pour dire qu'on a le droit de les aimer. Alors que le verset ne dit pas que Allah nous permet de les aimer. Il dit qu'il ne nous défend pas d'être bon et juste. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous permet de les aimer, parce qu'on n'a pas le droit d'aimer les koufars et les mushrikins. Hein? Mais on va être bon et juste avec eux. Hein? Et le verset 9, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Donc il vient, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie le verset encore plus. Hein? Et le cheikh Saadi, il explique, il dit: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به وأخرجوكم من دياركم وظهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم بالنصر والمودة والقول والفعل بالنصر والمودة بالقول والفعل وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين فلم ينهاكم الله عنه بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وذلك الظلم يكون بحسب التولي فإن كان توليا تاما صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك انتهى كلامه. Donc le cheikh explique, il dit que Allah vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu dans la religion, c'est-à-dire pour par là, parce qu'ils détestent votre religion, à cause de votre religion. Ils détestent la religion d'Allah, et ils détestent ceux qui ont appliqué la religion d'Allah, et qui vous ont expulsé de vos demeures, et qui ont aidé d'autres à vous faire sortir. Allah donc vous a interdit de les prendre pour alliés ceux-là, c'est-à-dire de les secourir et de les aimer, par la parole et par l'action. Mais en ce qui concerne d'être bon, d'avoir de la bonté envers celui yani, qui yani amma barrukum wa ihsanukum alladhi laysa bitawallin, donc le fait d'être bon, d'avoir de la bonté qui n'entre pas dans la, le fait de les aimer, d'aimer les mouchriquins, ça Allah ne vous l'interdit pas. Ça, ça rentre dans le sens général de l'ordre d'être bon envers les proches et d'être bon envers les fils d'Adam, envers les fils d'Adam et yani, les autres créatures également. Et quiconque les prend pour alliés parmi vous, alors ceux-là sont les injustes. C'est-à-dire yani, que la personne sera injuste selon la capacité, la quantité ou la, la proportion de, d'alliance qu'elle a pour ces mécréants-là. C'est-à-dire, s'il les prend pour alliés de façon complète et totale, il devient dans ce cas-là mécréant. Il sort de la religion. Il sort du cercle de l'islam. Il rentre dans la mécréance et il sort du cercle de l'islam. Tandis que si il ne les prend pas pour alliés de façon totale et complète, mais qu'il les prend dans un degré moindre, eh bien, dans ce cas-là, ça peut aller de sévère à moins que ça. Ça peut être, dans ce cas-là, quelque chose de grave, de sévère comme péché, et ça descend également selon la proportion de wala pour les kuffars. Donc ça, c'est pour expliquer par rapport à ce verset. Ensuite, le cheikh, il mentionne le dernier verset qui est mentionné. C'est le verset 13. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashab al-qubur. C'est le verset 13 qui est le dernier verset dans sourate Al-Mumtahana dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est en colère et qui désespère de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Désespèrent des gens des tombeaux, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Le cheikh explique, cheikh As-Sa'di, il explique donc ce verset, qu'est-ce qu'il signifie. Il dit: قال العلامة السعدي أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وإنما غضب عليهم لكفرهم وهذا شامل لجميع أصناف الكفار قد يأسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على شرهم وكفرهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله كما يأس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة وقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها ويحتمل أن المعنى قد يأسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة كما يأس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit: Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, si vous êtes croyants en votre Seigneur et que vous suivez ce qui amène son agrément et que vous vous écartez de ce qui amène sa colère, alors ne prenez pas pour alliés les gens qui ont la colère d'Allah sur eux. Hein? Ils ont uniquement yani Allah a uniquement été en colère contre eux à cause de leur kufr. Et donc ça comprend toutes les différentes catégories de kuffar. Et ils ont يعني perdu l'espoir en l'au-delà parce qu'ils sont privés de l'au-delà. Ils seront privés du paradis. Ils ne pourront pas y entrer. Donc, ils n'en auront aucune part. Hein? Alors, prenez garde de les prendre pour alliés, parce que cela pourrait vous amener à être en accord avec eux dans leur mal et dans leur mécréance. Et dans ce cas-là, vous deviendriez, vous aussi, comme eux, privés du bien qui est dans l'au-delà, comme eux-mêmes en ont été privés. Et il dit ensuite, Kamaya et Salkoufar, de la même manière que les koufars ont perdu l'espoir, ont désespéré des gens des tombeaux, c'est-à-dire lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils sont arrivés dans l'au-delà, ils se sont tenus devant la réalité de l'affaire. Et ils ont maintenant la connaissance certaine qu'ils n'auront aucune part de l'au-delà. Et ce verset-là peut aussi avoir la signification suivante, c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'espoir vis-à-vis de l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils ont renié l'au-delà, ils ont mécru en l'au-delà. Et donc, on ne doit pas s'étonner à ce moment-là du fait que ces gens-là commettent tout ce qui amène la colère d'Allah et font tout ce qui oblige son châtiment ou implique son châtiment à cause du fait qu'ils ont perdu l'espoir, désespéré en l'au-delà. Hein? Donc, de la même manière que les koufars qui nient la résurrection ont perdu l'espoir dans la dunya de voir les gens qui sont dans leur tombe revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont perdu l'espoir en la résurrection de cette façon-là, de la même façon que les gens. Ces gens-là ont perdu l'espoir de voir les morts ressuscités. Donc, tout ça, c'est des versets qui nous expliquent l'ordre et l'obligation dans l'islam de prendre les koufars pour ennemis et de prendre les croyants pour alliés et de ne pas aimer les koufars et de les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, c'est pour bien comprendre cette question-là. Parce qu'à notre époque, il y en a des gens qui remettent toujours le principe de Al-Wala ou Al-Bara en question. Il y en a qui ne sont pas d'accord vis-à-vis de ces questions-là. Donc, on va lire un petit passage des paroles de Cheikh Al-Fawzan à propos des catégories des gens au sujet de Al-Wala ou Al-Bara. Et Inch'Allah, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie par rapport à ça. Parce que les gens sont divisés en catégories. Par rapport à Al-Wala ou Al-Bara, il y en a qui sont tombés dans les extrêmes. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit dans son livre Sharh Risalat al-Dala'il fi hukm muwalat ahli al-ishrak, à la page 21 à la page 30. Le Cheikh il dit An-nas fi bab al-wala' wal-bara' ala aqsam. Les gens sont divisés en catégories dans al-wala' wal-bara'. Al-qism al-awwal minhum man yara anna al-wala' wal-bara' ma'nahu annana nuqati' al-kuffar nihai'an فلا نتعاهده معهم ولا نتصالح معهم ولا نقبل التفاوض معهم ولا نقبل إتيان المندوبين والسفراء منهم للتفاهم معنا ويقولون هذا من الموالاة. Donc le Cheikh dit, la première catégorie, c'est ceux qui considèrent que al-wala ou al-bara, ça signifie qu'on doit couper complètement tous les kuffars. On ne doit pas prendre aucune entente de paix avec eux, aucun pacte, aucune trêve avec eux, aucune négociation avec eux, et que on ne doit pas accepter les représentants et les émissaires et les ambassadeurs et les consulats qui viennent de leur pays pour venir s'entendre avec nous. Ils disent que tout ça fait partie de d'al-mu'alat, hein, al-mu'ala. Donc le cheikh il dit والحق أن هذا ليس من al-mu'ala ولكن هؤلاء يجعلون ولكن هؤلاء يجهلون هذه المسألة وهذا غلو في الولاء والبراء. Le cheikh il dit la vérité c'est que ça ne fait pas partie de al-mu'ala, mais ces gens-là sont ignorants dans cette question et ils sont tombés dans l'exagération dans al-wala wal-bara. وهو خلاف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين وكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري مع اليهود وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله والنبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد معهم في المدينة وما قاتلهم حتى خانوا العهد ولو وفوا بالعهد لوفى الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وليس هذا من الموالاة ولكن الذين عندهم غلو أو جهل يقولون هذا من الموالاة ومعنى قولهم هذا أننا لا نتعامل معهم بشيء أبدا ولا نتصالح معهم وهذا ليس من الدين. الشيخ الإكسبليكيلتي que ça c'est en contradiction avec qu'est-ce qui est prouvé par le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des ententes avec les mouchriquines, hein, et il achetait et il vendait avec les juifs, et lorsqu'il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une dette, il avait laissé il avait laissé son bouclier chez un juif en gage contre un prêt, contre un emprunt qu'il avait fait pour acheter de la nourriture pour sa famille. Donc quand il est décédé, ce bouclier qu'il avait, un genre d'armure, donc il l'avait laissé chez un juif comme gage en échange d'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille. Donc quand il est décédé, cette armure était chez le juif. Donc c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du commerce avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait des ententes de paix avec les mouchriquins et avec les juifs, hein. Il a pris des ententes lorsqu'il était à Médine avec des juifs de ne pas les combattre jusqu'à ce qu'ils trahissent leur entente. Et lorsqu'ils ont trahi leur entente, il les a combattus. Mais s'ils avaient respecté leur entente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait respecter l'entente avec eux de la même manière. Et ça ne fait pas partie de al-mu'alat, ça ne fait pas partie de prendre le kuffar pour allier. Mais ceux qui ont en eux de l'exagération, de l'extrémisme ou bien de l'ignorance, ils disent que ça fait partie de prendre les koufars pour alliés. Hein? Et ça signifie quoi? Ça signifie que on ne doit pas du tout avoir aucune interaction avec eux, jamais, et qu'on ne doit prendre aucun pacte, aucune trêve, aucun contrat avec eux. Et ça ne fait pas partie de la religion. Ça, c'est de l'exagération. Le cheikh, il dit ensuite, كيف نحسن إلى من أحسن إلينا من الكفار؟ كذلك نحسن إلى من أحسن إلينا من الكفار كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وهذا من باب المقابلة والمكافأة على الإحسان وليس من باب المحبة ولا مانع أن يتألفهم ولي الأمر إذا خشي على المسلمين من شرهم ويتألفهم ويعطيهم شيئا من المال لأجل دفع شرهم حتى إن الكافر المؤلف يعطى من الزكاة وكما قال تعالى والمؤلفة قلوبهم ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي هو الذي يعطيهم فيعطي من يرجى إسلامهم من الزكاة طمعا في إسلامهم ولا مانع من ذلك هو والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من المال من مغانم حنين أعطاه الشيء الكثير وهو كافر حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم وتألفه صلى الله عليه وسلم حتى أسلم وحسن إسلامه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه فما زال يعطيه حتى أصبح من أحب الناس إليه كما قال عن نفسه رضي الله عنه فهذه أمور ليست من الموالاة. Donc le cheikh il dit également que on doit agir aussi le fait d'agir en bien avec les kuffars qui agissent bien avec nous. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat al-Mumtahana le verset 8 Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers les kuffars et les mushrikines qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Et Allah aime les justes. Donc ça c'est dans le sens qu'on agit bien avec ceux qui nous traitent bien et qu'on leur remet le bien qu'ils nous ont fait. Et ça fait partie d'agir et de faire preuve de bonté. Mais ça ne fait pas partie de les aimer. Il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a rien qui empêche également que le dirigeant musulman, lorsqu'il craint un mal de la part des koufars pour les musulmans, de les rapprocher et de leur donner de l'argent dans le but de repousser leur mal. Et même le kafir, si on veut le rapprocher, quand on sent qu'il est proche de l'islam, de lui donner de la zakat, c'est permis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans surat At-Tawbah, le verset 60, lorsqu'il parle de ceux qu'on appelle al-mu'allafati qulubuhum, c'est-à-dire ceux dont on veut rapprocher les cœurs. Et ça, par contre, ça fait partie des responsabilités du dirigeant musulman, qu'il peut donner aux kuffars ceux de qui il voit du bien et qui pensent qu'ils veulent se rapprocher de l'islam, il leur donne de la zakat dans le but de les inciter, à l'islam, lorsqu'ils pensent qu'ils veulent se rapprocher de l'islam. Donc ça, c'est pas interdit de le faire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même donné à Safwan ibn Umayya de l'argent du butin de Hunayn. Il lui a donné une grande partie, alors qu'il était kafir, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala mette l'islam dans son cœur et il s'est converti par la suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapproché jusqu'à ce que la personne se convertisse à l'islam et qu'il devienne un bon musulman. Et il a dit de lui-même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la personne qu'il détestait le plus au monde. Hein? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à lui donner jusqu'à ce qu'il devienne une des personnes qu'il aimait le plus. Hein, par la suite, parce que c'est jusqu'à ce qu'il devienne la personne qu'il a aimé le plus. Et donc ça c'est lui-même Safwan ibn Umayya qui mentionne cela de lui-même. Et donc ces choses-là ne font pas partie de prendre les kuffars pour alliés. Wa kadhalika la mani'a an yatazawwaja min al-muhsanat min al-kitabiyat wa la mani'a annana na'kula min dhaba'ih ahli al-kitab كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Donc, le cheikh il dit il n'y a pas non plus d'empêchement de prendre pour épouse les femmes chastes et pieuses parmi les femmes chastes parmi les femmes des gens du livre, et non plus il n'est pas interdit de manger des viandes des gens du livre qui ont été égorgés par eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans surat Al-Ma'ida, le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la viande des gens qui ont reçu de livres est licite pour vous, de même que votre viande est licite pour eux, et les femmes chastes, c'est-à-dire les femmes vierges et chastes, parmi les croyantes, et les femmes chastes parmi celles qui ont reçu le livre avant vous. Hein? Et il dit ensuite le cheikh, il dit ويجب على الولد على الولد أن يحسن إلى والده الكافر ويربي ويبره به ويبر به ويبر به وإن كان كافرا. وهذا من حق الوالد على ولده، وهذا من باب المكافأة أيضا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأنت لا تطيعهما في الكفر، ولكن تبذل لهم النفع والإحسان والبر بهما. فحق الوالد لا يسقط عن الولد ولو كان كافرا، ولكن لا يحبه بل يتمسك بدينه ولا يطيع والده بترك دينه. دونك الشيخ il dit que de même qu'il est obligatoire au fils d'être bon envers son père mécréant et d'agir bien avec lui, de lui obéir, même si c'est un mécréant. Et ça, c'est le droit que le père a sur son fils. Et ça, c'est dans le du point du sur le plan de la rétribution, c'est-à-dire du fait que il a fait des sacrifices pour toi, il t'a éduqué, il t'a élevé, il a fait beaucoup de bien, et donc toi tu lui remets ce bien-là. Et il mentionne les versets 14 et 15 en sourate Luqman, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons enjoint à l'homme envers ses parents, yani la bonté. Et il mentionne yani la mère qui l'a porté peine après peine et qui l'a sevré pendant 2 ans. Et alors sois reconnaissant envers moi et envers tes 2 parents, et c'est vers moi que tu reviendras. Et si ils te forcent à associer avec moi ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, mais agis envers eux en bon compagnon dans cette dunya. Donc le verset 14 et 15 en sourate Luqman. Donc tu agis bien avec eux, tu te comportes bien avec les deux dans la dunya, et tu leur obéis. Sauf que s'ils t'ordonnent de faire le kufr, ou de désobéir à Allah, tu ne dois pas leur obéir dans cela, mais par contre tu dois leur ramener du bien et leur faire envers eux ce qui est bénéfique et ce qui est bon, et leur obéir. Et ça, c'est le droit que le père a sur son fils. Et ça ne tombe pas, ce droit-là ne tombe pas même s'il est mécréant. Sauf qu'il ne doit pas l'aimer. Il doit s'accrocher à sa religion. Et c'est-à-dire le musulman doit s'accrocher à sa religion et il doit obéir à son père, sauf qu'il ne doit pas l'obéir dans ce qui est en contradiction avec sa religion ou dans ce qui l'amène à abandonner sa religion. Et il mentionne l'histoire d'un sahabi dont la mère était mécréante, et elle lui a dit: soit que tu abandonnes ta religion, ou bien sinon je vais plus boire et manger et je vais mourir, et les gens vont te blâmer et parler de mal en toi en disant c'est lui qui a tué sa mère. Et c'était Saad ibn Ubada. Alors lui, il était bon envers sa mère. Saad lui a dit ne fais pas cela, ô ma mère, je ne vais jamais abandonner ma religion pour quoi que ce soit. Alors elle est restée comme ça pendant 3 jours sans manger, sans boire, jusqu'à ce que c'est devenu dur pour elle. Alors quand elle a vu que son fils est resté ferme, Saad lui a dit à sa mère: ma mère, je te dis par Allah que si tu avais sans vie ou sans âme, et que ces 100 âmes sortaient de toi une après l'autre, je n'abandonnerai jamais ma religion. Mais si tu veux, mange et bois. Alors, dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, elle a bu et elle a mangé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée à l'islam. Et donc, elle s'est convertie à l'islam par la suite. Donc, c'est pour dire qu'on obéit à nos parents, mais pas dans le kufr. Et pas dans le péché. Le cheikh, il dit: falamma matat, non, lorsqu'elle est morte, Saad est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: hal yatasaddaqu anha? قال نعم تصدق عنها. Il a demandé est-ce que je dois faire sadaqa pour elle, et il a dit oui, fais sadaqa pour elle. Donc ça fait partie des règles de l'islam. هذه من قواعد الإسلام وهكذا ينبغي هكذا ينبغي أن يفهم الدين ولا يؤخذ بالعاطفة أو الغيرة الشديدة أو الجهل وإنما يؤخذ بالعلم والمعرفة. وكانت وفود الكفار تفدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى دخلوا عليه في المسجد وتفاوضوا معه فما ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان يتفاوض مع رسل الكفار. فهذه أمور يجب على طلبة العلم أن يفهموها ولا يأخذوا الولاء والبراء عن جهل. وهذا هو الطرف الأول, طرف الجهال المغالين في الولاء والبراء حتى أدخلوا فيهما ما ليس منهما. الشيخ يلزي que ça fait partie des règles de la religion, et c'est ainsi qu'on doit comprendre la religion, et on ne doit pas prendre la religion uniquement par les émotions, et par également la jalousie, le sens de l'honneur, et la jalousie reliée à l'ignorance aussi, parce que la religion, ça se prend par la science et par la connaissance. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des délégations, des koufars qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et même qu'il les a fait rentrer dans la mosquée, il a négocié avec eux, il a parlé avec eux, il a échangé avec eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas chassés, sallallahu alayhi wa sallam, il discutait et il échangeait avec les messagers qui étaient envoyés par les koufars pour parler avec eux. Et il dit ensuite, ce sont des choses qui sont obligatoires à comprendre pour les étudiants en sciences islamiques, et ils ne doivent pas prendre la question de al-wala ou al-bara avec ignorance. Donc ça c'est la première catégorie, c'est la catégorie des ignorants. C'est un extrême, les extrémistes qui ont exagéré dans Al-Wala ou Al-Bara par ignorance, au point de faire rentrer dans Al-Wala ou Al-Bara qu'est-ce qui ne fait pas partie de Al-Wala ou Al-Bara, comme si il ne faut pas avoir aucune interaction. Et beaucoup d'entre ceux-là, ce sont des gens qui se contredisent eux-mêmes. Beaucoup d'entre ces gens-là, ce sont des gens qui se contredisent eux-mêmes. Ils sont très sévères par rapport à Al-Wala ou Al-Bara quand ça a rapport avec les dirigeants. Et quand ça a rapport avec les dirigeants, ils sont extrémistes. Toutefois, envers eux-mêmes, ils sont très permissifs. Ils se permettent de faire plein de choses qui sont en contradiction réellement avec Al-Wala ou Al-Bara. Et comme par exemple, qu'est-ce qui se passe chez les gens de Bid'a parmi les Ikhwan par exemple? Eh bien, ils sont rapides à critiquer les erreurs des dirigeants et des États quand ils font des choses qu'eux considèrent être en contradiction avec Al-Wala ou Al-Bara. Mais eux, ils se permettent toutes les choses qui sont en contradiction avec Al-Wala ou Al-Bara dans leur groupe. Et ça, on va en donner des exemples de ça. Il y en a des exemples à la pelle et à la tonne. Donc on va en mentionner beaucoup de ces exemples-là. Ensuite, il y a une autre catégorie, qui est la catégorie de ceux qui ont exagéré, mais à l'autre opposé. الشيخ يلزي القسم الثاني الذين يرون الولاء والبراء ويرون الناس سواء يقولون ما علينا من الدين كل له دين ونحن بنو الإنسان وبنو آدم كلنا سواء ولا يجوز أن يكره أحدنا الآخر بسبب دينه يسمون البراء كرها ويقولون كره الآخر ويعني يعدونه من الإرهاب المحرم ويقولون لا تكره أحدا من بني البشر وعليك بالإنسانية وبنو آدم كلهم إخوان لا فرق بين كافر ومسلم وهكذا ينادون الآن ويطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام ولو تمكنوا لمسحوا الآيات التي في القرآن كما يحاولون أن لا تكتب في المناهج والمقررات الدراسية ويقولون لأن هذا يشوه المسلمين ويشوه الإسلام فهم على طرف النقيض مع الغلاة وهؤلاء مفرطون وأولئك مفرطون مفرطون ومفرطون. Donc le cheikh il explique l'autre extrême, c'est ceux qui ne voient pas la légitimité de al-wala ou al-bara. Ils pensent que tout le monde sont égaux. Ils disent on n'a pas besoin de la religion, chacun il a sa religion, nous sommes des fils de l'humanité, nous sommes des fils d'Adam, nous sommes tous égaux, il n'est pas permis de détester l'autre à cause de sa religion. Ils appellent al-bara la haine, donc en voulant dire comme ils disent maintenant, c'est le fait de détester ou la haine. Donc ils considèrent ça comme faisant partie du terrorisme même, du terrorisme qui est interdit. Donc ils ne font pas la distinction entre les choses. Et ils disent, tu ne dois pas détester aucun d'entre les êtres humains. Et tu dois être humaniste et aimer tous les hommes, sans distinction de leur religion. Et on est tous des frères dans l'humanité. Il n'y a pas de différence entre le croyant et le mécréant. Et c'est ça qu'ils appellent aujourd'hui. Ils appellent les gens, les musulmans, à abandonner et à laisser tomber al-wala ou al-bara et à l'enlever de l'islam. Et s'ils en avaient la capacité, ils auraient même effacé les versets dans le Coran qui parlent de al-wala ou al-bara. Comme ils ont essayé de les enlever et de faire en sorte qu'on n'en parle pas dans les programmes d'éducation, les différents programmes d'éducation. Et ils disent que cela donne une mauvaise image aux musulmans et une mauvaise image à l'islam. Et le cheikh, il dit que ces gens-là sont dans un autre extrême par rapport aux extrémistes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc ceux-là, les autres sont tombés dans l'exagération parce qu'ils sont allés trop loin. Et ceux-là, ils sont tombés dans le laxisme parce qu'ils veulent enlever dans qu'est-ce qui est obligatoire. Et l'autre groupe, c'est le groupe du juste milieu, c'est-à-dire les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, et on en parlera au prochain cours, Inch'Allah, de ce troisième groupe-là qui représente en fait le groupe qui est dans le juste milieu, sur la droiture. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ce sont les Salafiyoun. Ce sont les Salafiyoun qui sont ni dans l'extrême, et ni dans le laxisme, mais qui sont dans le juste milieu. Al-Wasatiyya. On va en parler au prochain cours, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.